have some background music now that will assist you. It is what it is. C'est l'endroit étrange et merveilleux. Rien n'est comme ailleurs. It is what it is. With Laurent Garnier. A pure musical trip. What is the definition of a track? It is what it is. Please keep your attention. Couleur 3. Bonjour et bienvenue sur Elise What Elise. Au sommaire aujourd'hui, c'est jazz, funk, techno, breakbeat, bossa nova, world music. On va déranger le journaliste Alexis Bernier en pleine partie de PlayStation. Et on va bien sûr, comme d'hab, retrouver la démo et la compile de la semaine. Chose que nous avions complètement oubliée la semaine dernière. Vous êtes derrière votre poste de radio, surtout restez-y. It is what it is. I'm gonna go get some more. black man running. He's got it right, he's got a better life coming. I don't care what the captain said, I fold it right at the top of my head. And the state backs in. I follow my heart, and it leads me right to Jackson. Peu pop étrange, en tout cas qui sortent de l'ordinaire. Faut absolument acheter l'album de Subjun Stevens. Tout de suite tiré de la compilation de la semaine. Ça s'appelle FT numéro 10. C'est le FT Digest avec une sélection de Preview 73, avec un CD avec des tracks qu'ils ont sélectionnés eux-mêmes qu'ils aiment beaucoup, et un deuxième CD, ce qu'ils appellent le mixtape.

Yeah, it is what it is. Yeah, bang it, bitch. Can't. Ooh, that pussy gets damp. Bump that in. Ass shaking competition champ. Ooh, that pussy gets damp. Bump that in. Banging till the bell stop ringing. Strip age of its wings. Slip into some real bad things. Let's get into some real bad things. Banging till the bell stop ringing. Strip age of its wings. Banging till the bell stop ringing. You turn me up a little bit. Back, y'all, Betty blowing everybody's mind. She can make a star out of that behind. Back, Betty's bad ass and boobs. Cost all the job in the interviews. Suck boat now, sucker, gotta waste your turn. She got stock in the box to make your pockets turn. She rides fast cars to the bar. We all try to hit but never make it far. In the stilettos and pantyhose, I step to the bitch professional. I tapped the hoe and gave her the go. Sounds way too fast, she went out of control. Shot and amazed when she took the stage. She dipped this way, that the music plays. Shook that thing that her mama gave. Took all the fine pussy to an early bitch. She was the ass, she could come she can. Ooh, that pussy gets thin. Hump back, trim. Bump that in. Bang. Backyard, Betty blowing everybody's mind. She can make a star out of that behind. Backyard, Betty blowing everybody's mind. She can make a star out of that behind. Backyard, Betty blowing everybody's mind. She can ass and boobs, toss ass and boobs, toss. Backyard, Betty blowing everybody's mind. She can ass and boobs, toss ass and boobs. I tap the hoe. Retrouvez toute la playlist de It Is What It Is sur www.pedrobroadcast.com et vous suivez les flèches. Un petit coup techno sur FUF.com, signé les Youngsters. Tu sais pas ce qui me rappelle ? Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de Biennale. Pas tellement loin de Saigon, les volets rouges et la tourlière, une blonde comac, comment qu'elle s'appelait, nom de Dieu, Lulu la Nantaise. J'ai trop un goût de pomme. Il y en a. avec Alexis Bernier et les journalistes à Libération. Salut Alexis. Bonjour Laurent. T'es en train de jouer à la nouvelle PlayStation? La PS portable. Hein. La PSP. La PSP, comme disent les jeunes. La PSP. Voilà. Ouais. Tu écris beaucoup sur la musique, toi? J'essaye, ouais. Tu peux me dire ce qu'est le renouveau, ce qui va arriver demain? Parce que je suis un peu perdu, s'il y a tellement de trucs, je ne sais plus ce qui va être le truc à la mode demain. Ouais. Et toi, t'es forcément à la pointe de tout ça, tu dois savoir. Mais j'aimerais bien savoir, mais j'en ai aucune idée. Si je savais, et si tu savais toi aussi, ce serait pas drôle. Donc c'est pas intéressant de savoir ce qui est à la mode. On s'en fout de ce qui est à la mode. Ce qui est important, c'est que c'est bien, c'est qu'il y ait des bondis toujours et demain qui sont à la mode, c'est pas le problème. Donc dis-moi, est-ce qu'il y a plein de bondis en ce moment? Il y en a toujours, oui. T'as écouté quoi dernièrement? La bande de Plumline. J'ai écouté l'album de Plumline que tu m'as fait découvrir, qui est une vraie merveille. Et toi, tu m'as fait découvrir l'album de Nathan Fake. L'album de Nathan Fake est très planant, comme ça, très M83. Il y a plein de bons, mix en ce moment. Il y a un mix de James Holden qui arrive, qui est magnifique. Sur quoi? Et un mix de Kiki sur B-Pitch, qui est une vraie tuerie. D'accord. Tu penses qu'il y a quand même plein de choses? Mais moi, plein de choses, plein de maxi, excitants. Moins d'albums entiers passionnants, mais plein de maxi. Donc plein de très bons CD mixés et moi je trouve toujours mon bonheur. Voilà. T'es en train de jouer quoi là? Je sais pas, ça s'appelle Fire Up et ça a l'air très compliqué. Up ou Ape? Up. Up, d'accord. Bon, t'es en train de mettre des bourre pifs en fait. J'ai l'impression, ouais. On a vu là, t'as une méchante voiture qui arrive. Attends, qui va en prendre plein de ta gueule. Ouais, je peux jouer un disque pour te faire plaisir à la radio? Dis-moi. Un disque pour me faire plaisir? À la radio, ouais. Ah bah écoute, mets le Plumline là que tu m'as fait découvrir, je trouve ça magnifique. Un track de ça, d'accord, voilà. Ça marche. Merci Alexis. De rien, non. Tu peux jouer maintenant? Ouais, tu peux jouer, je te laisse jouer. Je vais interviewer ton fils maintenant. je t'aime, toi aussi tu dois m'aimer. Si tu savais combien je t'aime, toi aussi tu dois m'aimer. Bras, je sens tes rêves pour toi. Serre-moi dans tes bras, je sens tes rêves pour toi. Je chanterai pour toi que du bonheur venu d'Afrique. On va tout de suite écouter la démo de la semaine. Ça nous vient d'un Français. Un petit truc un peu breakbeat là, justement, ça change. Parce que normalement, les prods que je reçois françaises sont quand même assez techno. Et là, c'est carrément dans le breakbeat. Hein. L'artiste s'appelle Tresh et le morceau s'appelle Blackout. Enjoy. It's on It Is What It Is. Couleur 3. They be on definitions and shit. When I was thinking about doing this whole album, motherfuckers was out on some techno, on some electro clash, on some motherfucking acid. What? I just know good music, man. Couleur Can I ask you a question for the radio station? Is it? Yes, it is. Sorry. Right. C'est une serveuse d'un hôtel à Sao Paulo. What's your favorite style of music? I like soul jazz. Soul jazz? Yes. Thank you very much. Funky jazz. That's fine. Okay. Thank you. Cool. Thank you. You're welcome. Flying Machine par le groupe War, tiré de la bande originale du film Youngblood. Couleur 3. War, c'est peut-être le plus grand groupe de funk jazz de tous les temps. En tout cas pour moi. Je m'avance un peu, mais je crois que maintenant, après tout ce que j'ai écouté, je crois que ça doit être un de mes groupes préférés. Vraiment. Chez War, de toute façon, c'est simple, il n'y a rien à acheter. Hein. Retrouvez bien sûr toute la playlist de l'émission sur www.pedrobroadcast.com. On va finir avec un titre sur le label Warp. Et bizarrement, c'est absolument pas électronique, c'est carrément rock'n'roll. C'est tiré du nouvel album de Gravenhearst. Bye bye. 23h. Chicago.